d'or berce l'or, ma ville d'embrun et de lierre. Lance au loin tes chimères, au centre d'un voile d'or. Scarabée mouche, gobée par la montagne, guette les rôdeurs. Duerme a cuna e loro, mi ciudad de hiedra salpicada de olas. Lanza tus quimeras a lo lejos en el centro de un velo de oro. Escarabajo mosca vagado por la montaña donde aguardan los vagabundos. D'or berce le fleuve de caresses d'étranges langueurs ensorcelées en robe neuve. Duerme a cuna el río de caricias d'extraña languidez, embrujada con vestido nuevo. D'or au petit bonheur, orchidée bohème, aux cloches infinies, danse et jongle les langues, baroque folie. Compte les vieilles demeures, l'orient des perles et les bulbes des vieilles églises. Duerme a la ventura, orchidea bohemia, de campanas infinitas, baila malabarista de idiomas, barroca locura. Cuenta los antiguos palacetes, el oriente de las perras y los bulbos de viejas epicias. D'or furioso tilleul, au saveur d'alizier, cherche, cherche l'or, Alberich de Rosier. Duerme, furiosa de tilos, de los sabores de alisos, busca, busca el oro, Alberich de Rosales.